Gas. Gas, peint par Hopper en 1940, est une huile sur toile d'un mètre de long environ sur 67 cm de haut. Elle est conservée au Museum of Modern Art de New York. Une station-service occupe le premier plan de cette peinture. Elle est située au bord d'une route. Celle-ci divise l'espace en deux. À gauche de la route, une forêt dense et sombre occupe tout l'arrière-plan. À droite, une maison de bois blanc, probablement celle de la station-service. Le centre du tableau est occupé par trois pompes à essence de couleur rouge tomate surmontées d'un cercle lumineux. Un homme, debout, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche, s'affaire derrière les pompes. Il paraît tout petit et semble absorbé par l'immensité du paysage qui l'entoure. Autour de lui, il n'y a pas âme qui vive. Nous sommes en fin de journée. Hopper joue sur le contraste de la lumière d'un jour finissant et l'éclairage artificiel de la station-service. Nous sommes à ce moment particulier de la journée que l'on appelle entre chien et loup. Road Stories. En 1927, Hopper acquiert sa première automobile, une Dodge 25 d'occasion. À son volant, il va parcourir les États-Unis, l'utilisant comme un atelier roulant pour la réalisation de nombre de ses aquarelles. La route devient un des sujets récurrents de sa peinture. Sillonnant l'Amérique, Hopper renoue avec la mythologie d'un nomadisme qui, des Indiens des plaines aux beatniks apparus à la fin des années 1940, témoigne de la difficulté à trouver un ancrage dans l'immensité des paysages du Nouveau Monde. De la littérature de Jack Kerouac, Sur la route, écrit en 1957, aux multiples road movies du cinéma d'Hollywood, aux airs du rhythm and blues et de la folk music, c'est à ce nomadisme que se rattache quiconque circule sur les routes d'Amérique. On the road. Chaque année, Hopper fermait son atelier de Washington Square, prenait sa voiture et partait en compagnie de Joséphine vers l'Ouest américain, la Nouvelle-Angleterre ou le Mexique. Le plaisir du voyage l'emportait sur la recherche de sites pittoresques. Des spectaculaires parcs nationaux de l'Utah, Hopper ne rapporte qu'une pauvre aquarelle. Des villes folkloriques du Nouveau-Mexique ne survivent dans ses carnets de dessins que le portrait d'une locomotive abandonnée sur une voie de garage. Mythologie de la route américaine. Les longues étendues d'asphalte avec l'horizon à perte de vue, rythmées par les motels et les stations-service, sont devenues des symboles d'une culture et d'un rêve américain. Célébrées par les écrivains, les musiciens ou les réalisateurs de road movies, la célèbre Route 66, la Highway 61, Ventura Highway, sont devenues les monuments horizontaux de notre imaginaire collectif. Wim Wenders, le réalisateur allemand, évoque l'importance des œuvres de Hopper pour plusieurs de ses films. Lors de certains de ses tournages, le réalisateur dit avoir découpé les reproductions de l'ouvrage de Lloyd Goodrich consacré à Hopper afin que les membres de son équipe s'inspirent des décors et des lumières du peintre. En littérature, Jack Kerouac a donné une forme poétique, une vertu positive, une dimension métaphysique à l'exil des cheminots et autres déshérités, contraints de sillonner le continent américain pendant les années de dépression. Manifeste d'une révolte contre le matérialisme, le consumérisme, l'uniformisation de la société américaine d'après-guerre, son roman, Sur la route, de 1957, a inspiré la Beat Generation. Bréviaire d'une jeunesse aux idéaux libertaires, le livre a compté parmi les accessoires indispensables de plusieurs générations de routards. Les chansons de Bob Dylan font écho à la révolte libertaire des poètes et écrivains de la Beat Generation. Il annonce l'âge des vagabonds célestes, celui de la jeunesse hippie qui devait bientôt parcourir les routes américaines avec pour seul ticket un pouce pointé vers l'azimut, like a Rolling Stone.